on va parler aujourd'hui du reportage. Vous connaissez le principe de ces séances thématiques, donc. On vous présente à la grosse louche le thème, et l'idée aussi c'est qu'il y ait un échange entre nous. Alors le sujet est vraiment d'actualité parce que je pense que certains d'entre vous, le groupe 3 je pense, est-ce que le groupe 3 est là? Oui. Voilà, le groupe 3 commence lundi. C'est 4 journées, sa session sur le reportage, donc c'est 4 journées de travail intensif. Vous avez déjà reçu le thème de travail. Pas de questions là-dessus. Si vous avez des questions sur le thème, sur le sujet, n'hésitez pas. Cédric qui va coordonner vos travaux et les corriger. Donc contactez-le avant lundi parce que vous commencerez d'emblée lundi. On n'aura pas de séance de lancement. On passera en fin de séance aujourd'hui. Donc ceux qui sont font partie du groupe 3, on leur demandera de rester quelques minutes, 2 heures de plus. C'est 2 heures de plus. Ce soir, pour savoir un peu plus sur leur sujet. Alors, le reportage. Le reportage, c'est un peu, on appelle le genre majeur du journalisme, un peu Bernard, qui est venu, et Malika. On vient de commencer. N'ayez pas peur. C'est le genre majeur parce qu'il rassemble un peu tous les autres genres. Dans un bon reportage, eh bien, il y a des bons faits, il y a du bon factuel, il y a parfois un peu d'opinion aussi. Donc c'est un genre complexe qui intègre des qualités de beaucoup d'autres genres. Alors ici, je vais vous présenter quelques principes généraux du reportage. Edric viendra avec des précisions, des détails un peu plus précis sur l'écriture en tant que telle du reportage. Et puis avec Bernard et Malika, on parlera, on tentera de répondre à vos questions, à la fois sur le reportage dans sa dimension presse écrite, mais aussi dans sa dimension audiovisuelle avec Malika, voilà, qui est coutumière du reportage télé. Alors, quelques grands principes, je crois qu'il y en a 5 ou 6 que je voulais vous planté ce soir. D'abord, le reportage, le bon reportage, c'est un bon sujet. Un bon reportage, c'est d'abord l'habileté qu'a le journaliste à repérer une histoire originale, une histoire qui est originale, mais qui est aussi révélatrice, qui dit quelque chose de la société dans laquelle on vit, qui est symptomatique de la société. Le reportage, c'est pas l'anecdote. C'est pas raconter une anecdote pure et simple qui n'a pas de portée, qui ne révèle rien de la société. Donc c'est important de bien choisir le sujet. Alors, pour les exercices que vous allez faire avec nous, vous n'aurez pas trop de problèmes parce qu'on vous impose en quelque sorte le sujet. On essaye de faire ce travail de sélection du bon sujet en amont. Alors, ce qui est intéressant quand on est dans le reportage aussi, c'est de ne pas hésiter à aller à contre-courant de l'opinion. C'est un peu pour ça que je vous passe. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous passe cette photo de Hambourg. Voilà, le chaos après les bombardements alliés, en fait, dans les villes allemandes. Bien, il y a des journalistes à l'époque qui se sont illustrés par d'excellents reportages sur, finalement, les méfaits au niveau des populations civiles, causées par les alliés aussi. Les journalistes français, espagnols, anglais, qui se sont intéressés aux torts causés aux victimes allemandes. Ça, c'est intéressant. Ça sort du commun. Hein, on n'est pas embedded avec les forces alliées pour raconter ce qu'elles font. On peut le faire, mais on peut aussi se dire, tiens, finalement, cette guerre, elle a causé aussi des victimes de l'autre côté. Et il est intéressant de s'y intéresser. Et un des grands auteurs de l'époque, c'est Stig Dagerman, qui est un journaliste suédois, qui a écrit un superbe ouvrage que je vous recommande. Ça s'appelle L'automne allemand. Et qui raconte, en fait, c'est une série de reportages dans les villes allemandes bombardées. qui parcourt ces ruines dévastées hein, par les bombardements alliés. Et lui fait le choix de ne pas uniquement suivre le discours officiel hein, des alliés, hein, le discours de victoire. Il fait le choix d'aller à la rencontre des victimes. Et il y a une scène très forte dans un des chapitres du livre. Hein, donc chaque chapitre, en fait, c'est une ville différente. C'est vraiment du journalisme. Hein, ce sont des faits. Il raconte, il écrit ce livre. Un journaliste écrit un article. Et il est à Dortmund, il descend dans une cave qui est inondée. Et il va à la rencontre donc, des civils allemands qui se trouvent dans cette cave. Et il a cette faculté de se poser les questions qui dérangent, qui peuvent déranger en tout cas les alliés qui sont en train de. Plutôt que de rester, je dirais, dans la rhétorique de la victoire, voilà, le nazisme est mort, il va à la rencontre de ses victimes et il ose se poser la question, ou il ose s'interroger plutôt sur mais comment se fait-il que ces gens, quand on leur pose la question, finalement, ils racontent que c'était mieux sous Hitler. Ces victimes, elles disent ça. Et quelque part, c'est inaudible pour les alliés, les journalistes alliés qui sont là. Ils ne peuvent pas accepter tel. Et lui, il va à l'encontre de ses propres convictions, de sa propre conviction sur la démocratie, sur la nécessité de vaincre le nazisme, etc. Et il essaye de comprendre. C'est très journalistique, cette démarche. Essayer de comprendre pourquoi ces gens-là, dans cette misère-là dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, proclame, ben nous, on trouve que c'était mieux à l'époque du nazisme. Il écrit des phrases très fortes. Hein. Je vous cite un petit passage ici. On demande à quelqu'un qui se noie s'il se portait mieux quand il se trouvait sur le quai. Et il répond oui. Elle n'est pas fausse, cette image de l'état d'esprit qui règne en Allemagne en cet automne. Et que ce journaliste et bien d'autres vont colporter de par le monde. Mais quand il conclut, ce journaliste, que le peuple allemand est toujours gangréné par le nazisme, ce journaliste considère les Allemands comme une masse bien soudée, exhalant des relents hitlériens. Il oublie seulement qu'il ne s'agit que d'une multitude d'individus affamés et grelottants de froid. Voilà, essayez de comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il tient ce discours dans la situation concrète dans laquelle il se trouve. Un autre journaliste qui a écrit des choses très fortes sur la... L'après-guerre, c'est Henri Caller, journaliste français, journaliste à combat. Et là aussi, il y a un recueil très intéressant pour ceux qui s'intéressent au reportage. C'est Contre l'oubli, un recueil d'articles. Là, c'est vraiment des articles. Il est très connu, il a été salué par un des articles qui se trouve dans ce recueil, qui s'appelle de mémoire la cigarette américaine. Et donc Caller est à Paris en janvier 45. La société parisienne triomphe. Voilà, c'est la libération. Les Américains sont portés au nu, ce sont les libérateurs. Et lui, comme journaliste, il entend dire qu'il se passe des choses étonnantes dans les tribunaux militaires américains. Les tribunaux militaires donc, qui jugent les militaires américains qui ont participé donc, à la libération, mais qui peuvent se rendre éventuellement coupables de l'un ou l'autre méfait. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la justice française, c'est une justice particulière, une justice américaine qui... Et donc, très modestement et très humblement comme journaliste, il va suivre ces audiences du tribunal militaire américain. Et il raconte dans Combat notamment la manière dont cette justice expéditive, et vraiment quand vous lisez, vous vous dites c'est pas possible, c'est pas une justice. Cette justice expéditive expédie, c'est qu'à le dire, des affaires où des soldats américains se voient condamnés à des peines de 40 ou 50 ans de prison pour trafic de cigarettes, d'où le titre de l'article, la cigarette américaine. Et quelque part, voilà un journaliste qui, avec ses petites armes, simplement le fait. Il a son carnet de notes, il va assister à des audiences publiques. Hein. La justice américaine militaire n'est pas cloîtrée, donc elle est publique. Et donc avec ses petites armes de journaliste, il nous montre un visage assez horrible en fait. d'un appareil militaire que par ailleurs on est en train de célébrer dans la rue comme les libérateurs, les grands démocrates. Donc voilà, c'est ça aussi le bon reportage, c'est pouvoir aller à contre-courant des idées reçues, de l'opinion, et montrer des choses qu'on ne voit pas facilement, ou peut-être mieux encore, qu'on se refuse à voir. Ça, c'était la première règle, le bon sujet. La deuxième règle, c'est la documentation. Il n'y a pas de bon reportage sans bon travail documentaire du journaliste. Donc, on n'est pas, quand on est lancé dans un reportage, on n'est pas dans rendez-vous en terre inconnue. C'est pas ça. On ne débarque pas sans connaître, sans savoir. Il est vraiment important d'avoir lu ce qui s'est écrit sur le sujet dont vous allez traiter. Ici, pour ceux qui commencent lundi sur le pacte d'excellence, j'espère que vous êtes déjà, vous êtes prêts en tout cas à vous plonger dans ce qu'est ce pacte, d'où il vient, pourquoi à un moment donné on a décidé de réformer l'enseignement, tout ce processus. Vous devez connaître ce background si vous voulez faire un bon reportage. Vous ne pouvez pas débarquer dans une salle de classe, une salle de prof, et commencer à discuter avec les profs de leur situation, de leur vécu, sans connaître, je dirais, les éléments de background qui ont mené à cette situation. Pourquoi ? Parce que si vous ne connaissez pas le background, en fait, vous risquez de passer à côté d'éléments essentiels pendant votre reportage. Vous risquez de ne pas poser les bonnes questions, ou la bonne question. C'est tout l'importance du travail documentaire. Troisième règle d'un bon reportage, des gens. Il n'y a pas de bon reportage sans rencontre, sans interaction entre le journaliste et les gens, des gens, au pluriel. Et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire y compris le sens des gens, pas totalement, pas forcément les acteurs principaux du dossier. On parle ici de l'école, vous allez discuter avec des directeurs, des profs. Peut-être qu'il est bon aussi d'avoir l'avis de quelques élèves sur l'état de l'enseignement en communauté française. Voilà. Donc, multipliez les angles, ayez des regards humains. Prenez note de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez. Je dis tout, hein. Parce qu'après, il y aura un travail de décantation. Donc, votre job, c'est vraiment d'amasser de la matière humaine, et puis à un moment donné, de filtrer. Une fois que vous aurez votre plan de travail, votre angle, il y a des tas de choses que vous aurez notées qui ne vous serviront pas. Mais en fait, elles vous ont servi. Parce que vous connaîtrez, vous aurez une connaissance du dossier qui vous permettra de faire le bon filtrage. Si vous pouvez enregistrer les conversations que vous aurez, par exemple, vous demandez l'autorisation d'abord, hein. Maintenant c'est assez facile avec les smartphones et autres. Important aussi, bien identifier vos interlocuteurs, donc 3 jours après, comment s'appelait machin, c'était quoi son prénom, c'était quoi son nom, quel âge a-t-il, c'est quoi sa fonction exacte dans l'école, est-ce qu'il est interlocuteur, est-ce qu'il est concierge, est-ce qu'il est je sais plus dans mes notes. Donc ça, prenez bien garde à bien identifier les personnes, et même à déjà, puisque vous êtes dans le reportage, à capter des traits de la personne, des traits physiques. Elle avait les yeux bleus, elle avait les cheveux blonds, que sais-je, son accent, pourquoi pas. Tout ça, c'est important, vous notiez. Vraiment, vous devez être une éponge quand vous êtes sur le terrain. Capter un maximum de choses auprès de ces gens. C'était la troisième règle. La quatrième règle, si vous êtes dans un reportage, vous êtes évidemment sur le terrain. Et donc, il y a l'importance du lieu, des lieux. Et là, vraiment, comme pour la règle numéro 4, donc la rencontre, règle numéro 3, pardon, la rencontre des gens, pour la règle numéro 4, ici, sur les lieux, il faut être une éponge aussi, avoir les 5 sens en éveil. Capter l'atmosphère des lieux, capter les bruits, les couleurs, les odeurs, l'atmosphère. Parce que le lecteur, en fait, quand vous aurez rédigé votre reportage, il va voir, entendre et sentir les choses à travers lui. Et donc c'est important de rendre compte du lieu que vous exposez, des lieux que vous exposez. Alors la cinquième règle, c'est d'avoir un angle. Et ça vient après, en fait, votre travail sur le terrain, après avoir étudié votre dossier, documentation, après avoir rencontré les acteurs, les gens, après avoir senti les lieux, vous allez détecter, c'est presque intuitif, il n'y a pas de grille d'analyse, c'est vous-même qui allez le sentir, vous allez voir quel est le sujet, quel est l'angle. Et cet angle, essayez de faire en sorte qu'il soit humain. Cet angle, ce sera le fil conducteur de votre reportage. Ici, on n'est pas dans l'analyse factuelle, on est dans le ressenti. Et cet angle va guider votre texte. C'est la sensation principale qui se dégage du terrain. Pour reprendre l'exemple des profs, si après avoir visité vos deux écoles, vous vous rendez compte que c'est la déprime généralisée dans les salles de profs, ben c'est ça votre angle. La déprime des profs. Et tout votre reportage va être construit autour de ce fil conducteur. Ici, c'est un autre exemple d'angle. C'est un article du GIF, en fait, du focus, supplément culturel du GIF, sur la décision que le gouvernement a prise et qui n'est pas encore d'application, je pense, d'imposer des boîtes noires aux caisses enregistreuses dans le secteur Horeca, les cafés. Et donc, cette décision a créé, et c'est un peu l'angle de ce reportage, une panique. Une panique d'être sous surveillance. Vous voyez que même la photo rend bien le côté tout le monde maintenant est sous surveillance. Il y a cette histoire, en fait, puisque l'angle, c'est aussi ce qui structure votre histoire, la panique dans les cafés, dans ce tour. Alors, dernière règle ou principe de règle, c'est planter le décor. Donc, ça, c'est lié au lieu, c'est lié aux gens. Un bon reportage, dès l'attaque de ce reportage, vous devez plonger votre lecteur dans l'action que vous décrivez. Il doit être littéralement transporté sur place. Vraiment avoir la sensation d'y être. Et votre reportage, en fait, consiste à faire revivre la réalité que vous avez rencontrée à votre lecteur. On a quelques exemples ici. Donc, un article de Florence Aubenas, qui travaillait avant à Libé, qui travaille au Monde aujourd'hui, une excellente journaliste. Et vous voyez son article, donc c'est un article sur... Ah oui, donc on ne voit pas... C'est pas un souci. Un reportage sur le malaise policier. Et comme c'est coupé, je vais vous le lire. En tout cas, les premières phrases, on ne va pas tout lire. Au premier coup contre la porte, c'est un petit monsieur en costume qui ouvre, teint très pâle, rasé et peigné, comme s'il s'attendait chaque nuit qu'on vienne frapper au matin. Il est 6h14 à Sarcelles, l'heure des femmes de ménage et des perquisitions. En quelques mots, tout y est. On sait qu'on est à la police. On sait qu'on est dans un petit commissariat. Avec un petit fonctionnaire. Voilà, il y a tout déjà. Vous sentez presque physiquement la présence de Florence dans le commissariat en question. Un autre exemple ici, c'est un autre grand auteur de reportage, Christophe Boltanski, qui travaille à l'époque à Libé, lui aussi, il est à l'Obs aujourd'hui. C'est assez facile, si vous allez sur Internet, à retrouver des reportages. Et ici, donc, c'est un reportage sur la rue, c'est très local ça, hein, mais vous voyez que reportage, c'est très local, c'est sur la rue en fait qui où était installé le QG de campagne de Nicolas Sarkozy. Et les gens se plaignent en fait parce que le fait qu'il y ait le QG de campagne fait en sorte qu'il y a toute une série de mesures de sécurité qui sont prises et qui gênent les riverains. Le brigadier ne veut rien entendre, on ne passe pas. Seuls les riverains peuvent franchir son cordon de 10 gendarmes qui bloquent l'accès de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Olivier habite un peu plus loin. Tout de suite, il plante le décor. On est dedans. Autre exemple, sur plus international, toujours Boltanski, sur les Yézidis en Irak. Les deux hommes tuent le temps en jouant au tric-trac à l'ombre d'un acacia. Derrière eux, de l'autre côté d'un grillage, s'étend des rangées de tentes blanches écrasées sous le soleil. Et les rangées de tentes blanches écrasées sous le soleil, c'est le camp de réfugiés. Tout de suite, vous l'avez en tête. Vous le visualisez. Vous voyez la puissance évocatrice en quelques mots. Ces grands auteurs de reportage ont l'art de vous transporter sur place et de vous faire donc visualiser. Ça, c'est vachement important et c'est souvent un des grands défauts de reportage qu'on peut faire à nos étudiants. Donc, on vous met en garde. Il faut vraiment que cette dimension terrain y soit. Il faut vraiment que vous veilliez, en rédigeant vos papiers, à faire sentir votre présence sur le terrain. C'est un critère pour nous de cotation essentielle. Parce que c'est ça qui fait la spécificité du reportage. C'est pas un papier factuel où vous nous racontez la décision du gouvernement d'imposer le mouchard dans les caisses enregistreuses. Non, c'est autre chose. Vous êtes dans le café, vous avez le cafetier en face de vous qui en a marre de toutes ces décisions gouvernementales et qui vous le fait sentir. Et vous êtes dans une ambiance, dans une atmosphère qui vous revient de travailler. Voilà, c'était sur les grands principes généraux. On aura l'occasion d'en reparler avec Malika, avec Bernard, avec Edric. Mais Edric va vous donner quelques autres petits conseils, je pense, plus pratiques que les miens, sur le reportage. C'est donc aussi, c'est aussi beaucoup plus plaisant pour le lecteur. Oui. C'est important, ça. C'est ça, je vais revenir, mais le plaisir de lecture, on en a parlé au premier coup d'avis. Est-ce que sur les principes, vous avez bien suivi? Il n'y a pas de question particulière? Tout va bien? J'ai une question. Oui, oui, allez-y. En quoi ça diffère d'un article normal? Ben, l'article normal, il est basé sur des faits. L'article normal, c'est l'article factuel. On a eu une séance sur le factuel. Le factuel, tu peux le faire sans aucune dimension rencontre humaine, sans aucune dimension lieu. Ce qui fait vraiment la spécificité du reportage, c'est d'aller à la rencontre des gens dans leur lieu de vie ou de travail, et de traduire ça. Alors qu'un article factuel, il va, comme je le disais tout à l'heure, tu peux avoir un article qui t'explique que le gouvernement a décidé ce vendredi d'imposer l'installation de boîtes noires dans les caisses enregistreuses des cafés. Hein. Ça, c'est un papier voilà, où il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de rencontre humaine, il n'y a pas de... C'est ça. C'est vraiment tous ces cinq principes avec des éléments importants comme les personnes doivent apparaître et le lieu dans lequel tu dois plonger ton lecteur. En fait, si je peux donner une image, le gouvernement prend une décision, comme vient de dire Ricardo, etc. Donc voilà, c'est une décision qui est institutionnelle, qui est prise par une autorité et qu'on explique de manière générale. Mais le reportage, une décision qui est apportée sur des cas bien précis, à la caisse enregistreuse, les camps de réfugiés, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est un point de vue, c'est le papier d'actualité, c'est l'info du jour, on la donne. Le reportage, c'est quoi? C'est d'aller là où ça se passe, là où il y a des gens qui sont concernés, qui sont touchés par cette mesure. Et pour montrer concrètement, dans la situation de la précise, présente et précise, ce que c'est concrètement. Voilà. Donc il y a un côté très théorique, une décision qui est prise par l'autorité. Et puis on va voir, on prend notre calepin, notre tweet, notre curiosité, et on va rencontrer les gens. On parle avec eux. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est une décision qui est complètement théorique, regardez la pratique, et puis voilà, ils vont t'expliquer ça. L'exemple avec les écoles, je ne sais pas, moi, je vais voir dans quelles écoles vous irez, mais il y a la théorie du bac pour un enseignant d'excellence, on va refaire l'école du 21e siècle, et puis vous allez rencontrer les acteurs dans leurs locaux, et voilà, ils ont reçu le bac, c'est la grande théorie, et en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont vous dire, ben oui, mais moi je veux bien ça, mais regardez, ben voilà, c'est ça. C'est vraiment se déplacer et aller voir sur le terrain comment c'est concrètement. Ça répond à ta question. Ok, moi je ne vais pas répéter tout ce que Ricardo a dit, je vais simplement donner des exemples concrets, parce que en fait, moi je corrige les groupes, et je corrige les travaux, et année après année, les remarques que je dois faire, c'est qu'en fait, dans l'écriture, on n'est pas dans le reportage, et aussi, surtout, enfin, c'est pas le principal, mais je vous l'ai dit, qu'est-ce que les lecteurs voient en premier quand ils lisent un article? Qu'est-ce qui va commander ou pas la lecture, déclencher l'intérêt des fous ou pas, c'est le titre. Et tout ce que Ricardo vient de dire, tout ça, en fait, déjà dans le titre, il faut que les lecteurs comprennent que c'est un reportage. Parce que c'est plus plaisant généralement de lire un reportage qui est vivant que de lire un article qui est factuel et un peu froid. Donc dès la titraille, il faut que le lecteur comprenne tout de suite, qu'il soit intéressé, capté, en disant « Ah, c'est intéressant, je vais aller voir un truc, mais d'habitude on ne peut pas voir, je vais aller à un endroit où j'ai pas envie d'y aller. Concrètement, tiens, le grand réfugié qui avait à Calais, la jungle, etc. Hop, on y va, voilà. Et le lecteur, il sait qu'il va y aller. Et donc ça doit l'inciter à lire, ok? Comment est-ce qu'on fait un bon titre de reportage? Ricardo l'a dit, hein, y a des gens, y a des lieux, etc. Et bien dès la titraille, ça doit apparaître. Premier exemple. Qui est un titre d'un article de l'année 2016. Vous allez reconnaître. Voilà, un titre, forcément, c'est court, etc. À la côte sur la piste des migrants. Et quand on lit ça, on comprend qu'on va aller, tout à l'heure je montre l'exemple, on va aller à la côte sur la piste des migrants. Voilà. Donc c'est un article qui avait été fait après la fermeture de Calais. Les autorités belges redoutaient que les réfugiés de Calais passent la frontière et viennent essayer de gagner la Grande-Bretagne par le port de Stand. Donc ils ont mis beaucoup plus de policiers dans les dunes, etc. etc. Et le journaliste, ici, c'était un article de l'Allier Belgique, si je me souviens bien, était parti en reportage dans les dunes sur la piste des migrants. Et voilà. Voilà un titre de reportage pour moi. Ça, c'est vraiment le bon exemple. Vous allez voir, j'ai pris des exemples quasiment que d'articles de politique intérieure. Parce qu'on a souvent l'image ou l'impression fausse que le reportage, bah, c'est pour l'étranger. Hein. On va aller en Syrie, on va faire un reportage sur la Syrie ou quoi. Okay. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu l'image épineuse du reportage, c'est forcément l'étranger. Là, on peut faire de super reportages, le grand reporter, voilà. On peut faire de super reportages en Belgique aussi. Donc il y a un élément de lieu, hein, Ricardo l'a dit, et puis un élément de personne sur la piste des migrants. Autre exemple, ici aussi en Belgique, à Bruxelles, dans la nuit polaire de Bruxelles avec les SDF. C'est un article de reportage qui a été fait, je crois, au mois de décembre, janvier. Ils étaient froids, on venait d'activer les plans d'accueil des SDF, etc. Un reportage, voilà, quelqu'un, un journaliste, avait passé une nuit avec les équipes du SAMU social de Bruxelles, qui font des maraudes dans la ville pour essayer de trouver des gens qui sont réfugiés ou endormis dans le froid et qui bien souvent risquent de mourir. Donc on va là, on essaie de les convaincre d'aller dans un abri de nuit pour être chaud et pas mourir gelé. Et donc là à nouveau, dans la nuit polaire de Bruxelles avec les SDF, il y a un élément de lieu et un élément humain. Alors quand même un exemple à l'étranger. En première ligne avec les infirmiers de Mossoul, entre pleurs et éclats de rire. Quand vous lisez ça, vous serez en première ligne avec les infirmiers de Mossoul. C'est marqué noir sur blanc. Il est clair que le journaliste va vous transporter à Mossoul en première ligne avec les infirmiers de Mossoul. Et puis un élément un peu plus émotionnel, un peu plus émotif, entre pleurs et éclats de rire. Okay. Là, on joue clairement sur une opposition d'émotion. Je vous l'ai expliqué au premier quadri, c'est aussi une manière d'accrocher les trucs, c'est de jouer sur l'opposition d'intensité. Donc ici, il y a un peu tout ça. Un autre exemple. Vous allez voir, là, c'est un peu spécial, mais ça marche aussi, je trouve. On a suivi le premier cours d'EPC. Hein? J'aime bien et j'aime pas. J'aime pas parce qu'il y a EPC. Et EPC, il faut savoir que c'est le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, le nouveau cours qui a qui a vu le jour à la rentrée des temps. On a quand même beaucoup parlé. Si je dis ça à ma mère, je ne suis pas sûr qu'elle sache que c'est le PC. Donc. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée. On a suivi le premier cours de PC. Hein. On aurait pu faire. Comment trouver un titre? Ben voilà, simplement. Quand vous lisez ça, vous comprenez que vous allez vivre le premier cours de PC en classe avec des jeunes et un prof. C'est clairement un cours de portage. Ouais. S'il a raisonnement écrit citoyenneté, ça a été Ben, je pense qu'il n'avait pas la place pour écrire le premier cours de citoyenneté, donc il a mis EPC, mais bon. Peut-être qu'il va peut-être pas venir mon cours. Alors voilà, encore un exemple de reportage en Belgique, à veille du soir, sur la route florissante des tabacheux. Ok ? Donc c'est un article ici sur. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais sur la route florissante des tabacheux. C'est marqué noir sur blanc. Dès le titre, vous comprenez que vous allez partir, emmener en voyage sur une route qui est florissante, apparemment, de commerce de tabac. Ok ? Voilà le chapeau de Moucron à Couvain. Les commerces de tabac tenus par les Pakistanais poussent comme des champignons à la frontière belge. Ils sont pris d'assaut par les Français. Les autorités s'intéressent. Ok ? Là, c'est un peu plus factuel. Et puis, on attaque. Premier mot, hein, c'est comme des exemples de Ricardo. Poste frontière d'Erceau Ballon, à quelques encablures de Moucron. Seul. Donc là, on dit où on est. Je vous ai mis en bleu les éléments qui, pour moi, sont un peu caractéristiques de l'écriture du reportage. On dit où on se situe l'événement, l'action. Seul les panneaux de civilisation, moi déjà, je les vois. Hein, on plante le décor. Informe l'automobiliste du passage de la France à la Belgique, des Waterloo à Erceau. Un bref regard aux plaques d'immatriculation. Des voitures stationnées dans la Belge rue du Petit Audenarde laissent d'ailleurs penser que l'on se trouve toujours dans l'Hexagone. On y trouve du 59, du 62. Tout ça, c'est très visuel. Hein, donc, les journalistes, hein, on est à la 10e ligne du truc, ils plantent bien le décor, voire plus exotique et lointain. Donc, clairement, il y a beaucoup d'étrangers. On est en Belgique, mais il y a beaucoup de Françaises et des bandes étrangers. Pourquoi ? Point commun entre tous ces véhicules, ils ne restent jamais longtemps en place. Et puis là, à nouveau, des éléments bien visuels, de récit. Le conducteur se gare. Hein, on ne sait pas qui c'est, mais on l'imagine, on voit la voiture qui arrive, entre dans l'un des 20 tabachops qui se présentent à lui avec des vitrines des plus colorées, que ce soit chez Tabac Bonprix, chez Tabac XL Tabac ou encore chez Tabac Stop. Quelques minutes plus tard, il en ressort, moi je le vois, les bras pleins de volumineux seaux de tabac roulé et pubs en papier. Le coffre chargé retourne à l'hexagone, et là, paf, une citation, hein, on a vu sur premier quadri, c'est important de mettre de la bande sonore. Normal, explique un client venu de Lille, c'est beaucoup moins cher que chez nous, je peux gagner jusqu'à la moitié du prix. Il place le. Il décrit le. Il dit où on est, il plante le décor, et puis fait parler les acteurs, c'est typiquement un reportage. Alors, on avait passé pas mal de mouvements de grève dans les prisons. Hein, ça a duré longtemps, c'était un conflit social comme il en existe assez bien. Et donc, je me souviens, c'était un article du soir. Donc, il y avait toute une page qui expliquait tout le conflit social, la position du gouvernement qui restait inflexible, etc. Ce conflit social s'est enlisé, etc. Et à côté de ça, il y avait un encart, l'avant-titre, Alentin. On comprend tout de suite qu'on va aller Alentin. Et là, c'est une autre manière de titrer éventuellement un portage. Hein, il y a tous les éléments de lieu et de genre. Mais là, on donne une citation. On prend un extrait sonore qu'on met en titre. Ok ? Tu veux dire quelque chose ? C'est quoi, chien ? Oui, c'est des chiens, oui. C'est moins un point. Pour voir si vous étiez attentif. Donc voilà. Donc, on a vu les titres précédents. Autre possibilité de titrage, hein, on a fait le premier cours de PC. Troisième possibilité, éventuellement, une citation en titre. Ok ? Maman refuge, c'est vraiment une citation un peu forte, un peu choc. Maman refuge, on laisse un peu sortir les chiens. Et là, à nouveau, l'attaque de l'article. Même chose, hein, c'est toujours les mêmes recettes. Il est 16h en ce vendredi de long week-end ensoleillé. Hein. On sait quelle heure il est. Non, c'est à l'antenne, on s'est dit dans le titre. De long week-end ensoleillé. Donc on voit, un après-midi, il y a du soleil. Les cris des détenus retentissent dans le quartier Lantin. quartier, c'est le quartier de la prison de Lantin. Mais ils ne sont pas les seuls à se faire entendre. Et puis là, la bande sonore qui arrive, hein, à Saint-Denis, papa hurle trois petits gosses en direction des fenêtres du pénitencier, on les voit, touché par un mouvement de grève de son personnel. Donc là, ça c'est l'élément un petit peu, je dirais, factuel, où est-ce que ce reportage intervient. Mais là, on se raccroche à l'actualité chaude du moment. Donc les gosses là, ils sont postés sur des blocs de béton, ils sont la pointe sur les pieds. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous donner une image mentale. Hein, la scène qui est décrite, raccourcissant ainsi de quelques centimètres la longue distance qui est séparée. Puis là, le reportage se poursuivait. Donc vraiment, je voudrais insister là-dessus, parce que je vois année après année, les titres de reportage, et attaquer comme un on n'attaque pas factuellement sur la problématique de ce type. Non. C'est du terrain, on commence au terrain. Et généralement, ce n'est pas une règle générale, ça. Généralement, on sort aussi par le terrain. Okay. En tout cas, certainement commencer sur le terrain. Et éventuellement sortir de l'article par le terrain aussi. Mais ça, c'est pas. Là, je vous laisse vraiment, là, il n'y a pas vraiment de règle. Mais en tout cas, je dirais que c'est vraiment impératif de commencer, en tout cas, par d'attaquer sur les éléments. Voilà, moi j'ai fini. Je reprendrai l'exemple pour le reportage télé. Comment on peut faire ça en reportage télé? C'est pas la même chose. Bernard, tu peux ajouter quelque chose? Marika nous parle de la télé. Oui, moi je veux bien ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Bon, vous avez dit l'essentiel, franchement, je ne vais pas te jeter des fleurs, mais on y est. Je voulais juste vous dire que pour un reportage, il n'y a qu'un mot qui compte pour moi. C'est que vous devez empoigner le lecteur. Et j'insiste sur ce mot. Il faut prendre le lecteur et il ne faut plus le lâcher. Et donc ça s'applique effectivement partout. On est sur le terrain, on raconte ce qui se passe, on fait du son. Mais aussi, on fait appel à des qualités supérieures de journaliste. C'est-à-dire que quand vous serez en reportage, vous devez avoir des qualités supérieures d'attention, d'analyse, d'observation. Vous devez voir les détails, vous devez les noter, vous devez ressentir et synthétiser, je dirais, le non-dit, le non-visible a priori, en faisant votre métier, parce que quelqu'un de non-journaliste qui passera par là ne le verra pas. Et à mon avis, c'est ça qui fait le bon reportage, c'est qu'on arrive à s'imprégner d'une situation, à la rendre très vivante, très humaine, très vibrante, mais en gardant l'essentiel et le sens de ce qu'on a vécu. Donc on n'est pas simplement dans le bon descriptif, on n'est pas simplement dans un bon récit, on est au-delà. On est dans l'appréhension d'une situation forte. Et votre papier doit être fort. Et ça, le reportage, c'est très très important, parce que c'est là encore plus, je pense, que dans un factuel ou un portrait ou une interview. Vous devez avoir ces qualités-là, de voir en fait ce que la moyenne des gens ne verra pas. Parce qu'un bon reporter, pour moi, c'est ça. Plus alors effectivement ce par quoi toi tu as commencé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il monte un sujet et c'est là qu'il faut partir dessus en reportage. Voilà, je pense qu'on a compris cette semaine qu'on peut faire d'excellents reportages à Aulnay suite à l'affaire de Théo. Mais il n'y a pas que ça, on peut faire un excellent reportage dans les coulisses de la campagne de Fillon. Il y a beaucoup de moments. Il faut aussi avoir, je crois, un lien très fort avec une actualité qui est en train de se durcir et de s'amplifier. Et si vous êtes sur ce chemin-là au moment où elle a, je dirais, son point d'impact, parce que vous savez aussi qu'on va se taper une nouvelle panne de courant, peut-être. Voilà, parce qu'une info, elle monte, hein, je vous ai déjà expliqué ça, pour moi, c'est le principe de la vague, et il faut surfer sur la vague qui monte, avec à ce moment-là un reportage qui est qui va loin dans les détails et loin dans l'humanité avant que l'info redescende, ce qui est inévitable parce qu'une info chasse l'autre. À partir du moment où vous avez fait tout ça, je pense que vous n'aurez aucun souci vis-à-vis de nous et vis-à-vis de vous. Voilà, moi je voulais juste vous dire ça. Je ne vais pas doublonner avec toi, Je pense qu'on y est. Le reportage, c'est ça. On peut le définir parce qu'il n'est pas. Ce n'est pas du factuel, ce n'est pas du bâtonnage, c'est pas de l'analyse, ce n'est pas de la chronique. C'est pas du tout ça. Il faut être avec les gens, comme les gens, et en même temps à côté des gens, parce que votre but à vous, c'est pas de vous fondre dans un avis pour ou contre. Il faut ramener un récit. Le reportage, c'est un récit fort et qui est journalistique. Si vous faites tout ça, si vous avez tout ça en tête, dans vos contacts, dans le temps que vous allez y passer et dans le choix du sujet, parce que moi je suis persuadé qu'il y a aussi des idées, de très bonnes idées de reportage et de moins bonnes idées, il faut bien choisir, vous n'aurez pas de soucis. Voilà. Annika, pour la télé ? Oui, alors je suis toute seule pour la télé, les trois presse écrites, je vais parler pendant une heure, là, donc je vais vous dire tout ce que vous avez entendu, il y a plein de choses, évidemment, qui peuvent se transposer à la télévision. Si vous faites tout ça, comme dit Bernard, et si vous ajoutez à ça les contraintes techniques, et si vous ajoutez à ça le mix entre votre commentaire, les personnes, etc., vous aurez un reportage parfait. Alors, je vais essayer de commencer par ce qu'il y a comme point commun. Évidemment, un bon sujet, évidemment, se documenter. Ça, c'est exactement la même chose que lorsque vous préparez un sujet de reportage pour la presse écrite. Alors, c'est-à-dire que quand vous allez... Il y a différents reportages. Je vais essayer de me focaliser sur celui que vous allez devoir faire, qui donc est un petit format de reportage, parce que sinon on peut parler de reportage de 20 minutes, de 52 minutes, mais on va demander de faire un reportage qui va rentrer dans le journal télévisé et qui donc, il y aura cette contrainte aussi. Vous allez tous à un moment dire comment fait-on pour faire un reportage en 1 minute 30, en 2 minutes, 2 minutes 30 maximum, combien d'intervenants, combien de lieux, etc. Tout ce que vous venez d'entendre et qui est fondamental, ben, tout ça vous devez partir avec dans votre... Voilà, c'est quelque chose que vous aurez appris en presse écrite, vous allez l'emmener avec vous pour faire le reportage télévisé. C'est-à-dire que cette préparation, cette connaissance du dossier, vous allez la faire avant d'embarquer votre caméraman et votre preneur de son dans le métro, en bagnole, pour l'amener dans un endroit. Vous devez savoir, si vous faites le pacte d'excellence, dans quelle école vous allez. Vous avez peut-être été, si vous avez le temps, en ce qu'on appelle en repérage, c'est-à-dire que vous avez été voir les lieux, vous avez été sentir l'atmosphère. Si vous n'avez pas le temps d'aller sur les lieux, vous avez un temps de préparation, on le dit toujours, le coup de fil n'est pas un coup de fil. Il y a un moment donné, il ne reste que quelques minutes pour avoir son interlocuteur. Non, ce n'est pas un interlocuteur ni deux interlocuteurs qu'il faut, c'est l'interlocuteur, les bons interlocuteurs. Donc, votre coup de fil, chaque année, on dit la même chose, c'est votre repérage. C'est le moment où vous allez savoir si la personne que vous allez rencontrer est la bonne personne. Si, pourquoi ? Ne pas lui poser les 4-5 premières questions. Voilà, je fais tel sujet. Voilà, j'aimerais parler du pacte d'excellence. Donc, vous savez, vous, que... Et quand vous commencez plic-ploc à lui poser ses premières questions, vous savez où vous êtes, vous savez avec qui vous êtes, et après, vous demandez les autorisations. Et après, vous avez aussi toutes ces exigences qui vont venir se greffer par rapport à ça. Lorsque Ricardo dit il faut amasser, il faut, oui, il faut, nous aussi on doit amasser, mais on doit amasser plus en termes de, un, de préparation et aussi de ces fameuses éponges. Vous devez être ces éponges sur le terrain parce que vous n'allez pas pouvoir revenir avec, là on peut revenir en presse écrite avec 10 carnets rédigés, vous n'allez pas pouvoir revenir avec 5 heures de rush parce que vous n'aurez pas le temps de les dérusher, vous n'aurez pas le temps de les time-coder, vous n'aurez pas le temps de sortir pour l'après-midi. Donc l'éponge que vous allez jouer là, c'est un, d'expliquer correctement à votre équipe ce que vous allez faire. Exactement le pourquoi vous allez faire, votre angle, votre intention, votre histoire. Nous aussi, on va raconter une histoire, peut-être en 1 minute 30, peut-être en 2 minutes, mais on va aussi raconter une histoire. Et c'est pour ça que j'ai demandé de laisser ça, parce qu'il est 16h ce vendredi, le long de la route, il y a un enfant qui crie « papa », une image. Vous pouvez, en une image, si vous avez expliqué ça, vous pouvez, avec un plan bien choisi, savoir qu'on est à l'enfer, savoir que c'est une prison, savoir que le moment est ensoleillé, ben, l'image va dire ça. Et vous allez pouvoir, par votre commentaire, déjà donné l'information, déjà donné cette accroche qui va dire, ici, on est en train de vous raconter quelque chose de différent, ou on est en train, en tout cas, de vous réveiller dans votre fauteuil, écoutez ce qu'on va vous dire. Le papa qui crie, l'enfant qui crie après son papa, ben vous pouvez l'avoir, hein. Ça peut être un live de début, hein. Ça peut être cet enfant, et derrière, vous dites, voilà, exactement comme ce qui est dit là, vous pouvez l'avoir aussi en reportage. Ça va vous servir d'accroche pour parler après, derrière, de ce mouvement de grève. Vous allez avoir un syndicaliste, vous allez avoir une maman, vous allez avoir... Et c'est comme ça que cette histoire vient se raconter. Petite subtilité, et ce que je trouve le plus compliqué lorsqu'on fait le premier reportage en télévision, c'est de savoir ce qu'on dit et ce qu'on fait dire. Voilà, c'est toute la difficulté. On a peu de temps, chaque mot est important, on choisit le bon verbe, on choisit le bon sujet, on ne va pas mettre 10 mots pour en dire un. Parce que justement, on n'a pas le temps. Donc, l'écriture, ce que vous avez appris en presse écrite, vous le transposez certes en style oral, mais avec le mot juste. On sait à l'avance ce que l'on veut faire dire à la personne. C'est-à-dire qu'elle est crédible, elle est gardienne de prison, elle, lui, il est gardien de prison. C'est donc lui qui va pouvoir vous parler de ses conditions de vie plus que vous. Vous pouvez plus planter le contexte, planter la problématique et aller chercher l'expertise auprès des personnes qui sont les experts. D'où l'important de ce que je vous disais avant, d'être à la bonne place au bon moment. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? La citation, évidemment, les citations ici, ben les citations, ce sont vos interviews, vos interviewés. Donc là aussi, lorsque vous faites une interview, on l'a appris dans les exercices précédents, vous écoutez, vous savez pourquoi vous allez vers cette personne-là, vous savez au moment où vous faites votre interview, si vous avez l'information, si vous avez cette citation que vous voulez sortir ou pas. Tant que vous ne l'avez pas, évidemment, vous continuez à la chercher, vous continuez à la prendre. Je voudrais revenir 2 secondes sur l'éponge. L'éponge, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, effectivement, un bon journaliste, c'est une éponge. C'est quelqu'un qui, effectivement, a préparé avant, mais que quand il arrive sur le terrain, il capte justement que c'est la déprime dans les salles de classe. Il n'y pensait pas. Il croyait que ce pas était excellent, c'était super, que c'était super bien accueilli. Il y allait, bon, il avait bien un peu entendu par téléphone que c'était tendu, mais il ne pensait absolument pas qu'on en était là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il explique évidemment aux gens qui sont autour de lui et à son équipe tout d'abord en disant « Regarde là, ce gars-là, il se passe quelque chose. » Et donc c'est ça en fait, être l'éponge, c'est ça d'être capté et c'est ça d'aller faire le reportage vers cette personne-là. J'entends que vous dites ou vous venez de dire ou voilà. Donc ça vous pouvez l'avoir en captant sur place, en écoutant, en utilisant aussi parfois les lives. Alors là je reviens 2 secondes sur la contrainte technique, c'est vrai que quand on est un preneur de son, on sait évidemment beaucoup plus capter le live que quand on est avec son micro, c'est parfois un peu plus compliqué, mais pourquoi pas, on peut essayer, et un live peut parfois montrer beaucoup de choses. Cet enfant qui crie après son père, il n'y a pas grand chose à expliquer avant, après, on a compris tout de suite là où on était, et donc on parlait de l'angle. C'est l'avantage par rapport. Voilà, donc il y a à la fois des avantages et à la fois des inconvénients. Parfois, je suis très jalouse parce que je vais pouvoir m'asseoir à une table et regarder la conversation qui se passe à côté. Je pourrais si bien la décrire que quand j'arrive avec mon caméraman et mon preneur de son, la situation qui est en train de se passer, elle a tendance à se figer et à s'arrêter automatiquement. Donc c'est là toute la subtilité, c'est d'essayer par une manière ou une autre de recréer cette situation de la manière la plus naturelle possible parce qu'elle vous intéresse, ou simplement en allant dire... Là, vous étiez en train de ramasser cet enfant sur le sol, pourquoi? Voilà, quelque chose comme ça. Essayez d'aller rechercher par la question la situation qui existait. Alors, je n'ai pas du tout de mise en scène, hein. Pas du tout ce que je veux dire. Vous avez vu quelque chose, vous l'avez capté et vous essayez de le rendre au travers de l'image. Ça, c'est le côté plus compliqué, mais en même temps, là où il faudra une demi-page, il ne faudra peut-être qu'une image et une image bien choisie. Ça, c'est la force de l'image. La force du live, la force du commentaire qui vient souligner, vous verrez ça aussi dans le reportage. Les meilleurs reportages, ce sont justement lorsque votre caméraman, votre preneur de son a tout compris de ce que vous voulez faire. Du coup, il va être avec vous. Ça, c'est fondamental. Vous devez leur expliquer, les impliquer, leur donner envie d'aller dans cette salle de prof ou d'aller devant cette prison à Lantin pour qu'eux aussi, finalement, soient des éponges. Parce que vous allez voir la situation, mais si votre caméraman vous dit non, mais moi, je n'ai pas du tout envie de filmer ça. Vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est le côté beaucoup plus... ça ne se passe pas comme ça, je parle de général. Surtout pas si on les implique, si effectivement, cette équipe, elle est aussi impliquée que vous. Vous expliquez, c'est incroyable ce qu'on va aller voir, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a ça, on va aller voir ça. Et donc, lui va automatiquement peut-être aussi vous proposer des choses et devenir lui aussi cette éponge, au-delà de l'interview. Ça, c'est un peu... voilà. Après, vous avez votre travail, évidemment, d'interview. Évidemment, l'angle, ben, tout ça, on peut évidemment prendre... et faire un copier-coller pour le reportage télé. Je reprends un exemple que j'ai eu. On me propose, par exemple, le marché de Noël. Je dis le marché de Noël, bon, le marché de Noël, bon, on le fait chaque année. Quel est ton angle? Donc, évidemment, le marché de Noël, un an après les attentats, le premier marché de Noël qui ouvre, le marché de Noël sous haute sécurité ou pas, le marché de Noël, voilà, ça c'est l'angle. Donc on doit savoir avant. Mais là, ça, on va en discuter. Quand vous proposerez le sujet, on ira un petit peu en avant. C'est quoi ce sujet de reportage? Ça ne suffit pas d'avoir un sujet. Il faut aussi pouvoir le défendre et avoir un nom qui peut, d'ailleurs, évoluer, changer, être tempéré et de modifier, avancer en même temps votre histoire. Je vais m'arrêter, mais encore. Peut-être que vous avez des questions. C'est peut-être plus simple de réagir à vos questions sur spécifiquement la télévision qui permet plein de choses et pour lesquelles on doit être. Moi, je voudrais ajouter qu'il y a une série de petites actions dans un reportage que vous ne devez pas rater. Je veux dire par là que tout compte et que parfois des scènes qui peuvent au premier abord paraître insignifiantes, un regard, une dérobade, un climat, ils vont enrichir la perception générale. Et en une phrase ou en un paragraphe, on peut parfois synthétiser un état de fait. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est ça qui, petit à petit, amène un reportage qui est très, très bien construit. On peut résumer une situation économique en décrivant une personne en état de manque ou de misère et qui est très parlante. Si vous croisez cette personne au cours de votre reportage, moi, je pense que vous ne devez pas passer à côté. Vous devez dresser vos antennes, en fait, et être très à l'affût de tout ce qui se passe et de tout ce qui se passe très vite ou se passe dans les coins. Donc, c'est pas seulement y aller un jour. Hein. On vous donne 4 jours aussi, et dans notre tête à nous, enfin, je pense, et Edric, tu seras d'accord avec moi, en tout cas dans la mienne, les 4 jours de reportage, c'est au moins 3 jours, si pas 3 jours et demi, à aller fouiner, à revenir, à revérifier, à pousser la porte d'une autre classe, à discuter avec un autre prof, à s'attarder. Voilà, c'est pas se dire, oh, moi je le ferai demain, et puis après je l'écris, et c'est bon. Ne le faites pas comme ça. Profitez des 4 jours de reportage qu'on vous donne. Croyez-moi, honnêtement, en presse écrite aujourd'hui, c'est un luxe. Moi, on ne me donne plus 4 jours pour faire un reportage, je vous le garantis. Et voilà, ça, je vous le garantis. C'est la même chose pour la presse télévisée, oui. Sauf que ici, dans le cadre où, là, quand vous allez faire votre exercice, ben, vous savez, c'est une demi-journée de préparation, et donc sachez que vous savez quand vous allez avoir cet exercice, donc vous pouvez déjà être complètement open par rapport à tout ce que vous pourriez faire, en tout cas avoir comme document. Il faut vous imprégner préalablement de tout ce qu'on peut faire et prendre le temps d'écouter les gens et d'observer. C'est important ce que Bernard vient de dire, et je passe la parole après. Il y a vraiment, vraiment, vous devez être convaincu du fait que plus vous passerez du temps sur le terrain, plus vous aurez de la facilité à écrire votre reportage. Le fil conducteur sera beaucoup plus évident, parce que c'est l'évidence des choses que vous avez vécues, en fait, et que vous devez restituer. Et donc, mieux vous connaîtrez votre terrain, plus de temps vous y aurez passé, plus il vous sera facile de rédiger votre papier. Question. Par rapport au... Vous avez dit, ça va, bref, oui. Et des fois, ça va. À la différence de la télé, dans la presse, tout le temps, mettre en avant le côté journaliste, en fait, quand on passe beaucoup de temps sur le terrain, les gens finissent par oublier que vous êtes journaliste. Vous l'êtes au début, vous vous présentez comme journaliste, vous êtes le témoin, l'observateur, les gens se méfient un peu d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va raconter, etc. Et puis, comme Bernard a dit, si vous revenez par exemple la deuxième journée dans la même école, revoir les acteurs du lendemain, bah, la relation va être beaucoup plus... Voilà, et elle sera beaucoup plus franche, beaucoup plus sereine, et ce rôle d'éponge sera beaucoup plus facile à jouer aussi, parce que les gens se livreront beaucoup plus facilement. Donc effectivement, au début, vous êtes le journaliste, et vu comme tel, et comme Malika vous disait, en télé, c'est encore pire, parce que vous arrivez avec une espèce de voilà, bazooka qui fait peur, qui donc les gens se bloquent. Nous, on a la chance ici de travailler sur 7-4 jours, et donc, voilà, n'hésitez pas à retourner sur les lieux, à redonner rendez-vous à ces personnes que vous avez rencontrées une première fois, parce que vous verrez que la deuxième fois, c'est beaucoup plus facile. Et la deuxième fois, elle vous voit moins comme un journaliste qui vient leur voler leurs sentiments ou leurs perceptions, que comme peut-être un confident ou quelqu'un à qui on peut... Voilà, on se connaît un peu mieux, il y a une relation de confiance qui est établie, et donc on se parle déjà différemment. Et d'abord, quand on fait du reportage sur le long terme en télévision, on fait pareil, c'est ce qu'on appelle le repérage. Voilà. Et donc là, on va sans caméra et sans preneur de son, mais le rapport que Ricardo explique est exactement le même. C'est-à-dire que plutôt que de débarquer, non, on va voir les gens, on leur parle, on leur explique l'intention, on leur explique ce qu'on veut faire, et petit à petit, ben, ces gens ont créé quelque chose avec nous. Et quand on arrive effectivement avec l'équipe, même s'il y a le choc de la caméra, etc., à partir du moment où on crée le contact visuel et que la personne sait qui vous êtes, parvient exactement à la même manière. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, vous aurez moins le temps de faire dans l'exercice, mais Pierre Marlet vous réexpliquera très concrètement et très pratiquement comment va se dérouler le reportage. Mais effectivement, il doit y avoir une manière de faire lorsque vous arrivez sur le terrain en très peu de temps pour que les gens puissent savoir que vous êtes journaliste, pourquoi vous êtes là, et en même temps que cette espèce de voilà de relation de relation voilà s'établisse voilà. Si, et même si les questions que vous allez poser ne sont pas complaisantes, et si c'est votre travail d'information, vous devez poser des questions que vous devez poser. Oui. Est-ce qu'on peut faire des plans un peu esthétisants, sortir un peu des sentiers battus, faire des choses un peu originales Ta question s'adresse plutôt à la télé Pour la télé, oui. À la télé, des plans esthétisants. Alors ça, pour faire les plans esthétisants, déjà, il faut que tu en discutes avec ton équipe, ton cadreur. Et, voilà, c'est avec lui que tu devras expliquer ce que tu entends par plan esthétisant. Après, sortir des sentiers battus, bien sûr. Pourquoi pas sortir des sentiers battus? Un, il faut voir si le sujet s'y prête. Deux, il faut voir ce que tu mets derrière sentiers battus. Évidemment, lorsque tu as un journal, si tu as un reportage qui passe au journal télévisé, bah, il doit y avoir une raison qu'il soit au journal télévisé. L'information doit être là, l'histoire doit être racontée. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas si tu as un exemple en tête, je pourrais peut-être mieux me positionner. Mais... Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais... Par exemple, pour le sujet sur l'école, c'est prendre d'abord avec la caméra juste derrière la haie de l'école, voir une image assez noire, et entendre juste le son, le brouhaha des enfants, et après mettre la caméra au-dessus, on arrive sur la haie. Mais pourquoi pas, tout peut exister, mais sauf que tu dois savoir que si tu as en tête une idée bien précise, que tu imagines, peut-être que ça ne va pas fonctionner une fois que tu seras en salle de montage, la première chose à faire, c'est de l'expliquer à ton cadreur, de dire moi je vois bien en fait un début un peu étonnant où on entendrait juste les enfants, il va essayer de le faire, tu dois l'imaginer toi comme accroche, tu dois évidemment après l'écrire tel quel, peut-être ça va pas du tout fonctionner, il va peut-être assurer d'autres choses, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, il faut que ton cadreur soit évidemment en accord avec toi, mais oui, pourquoi pas. Après il faut pas qu'on ait un noir pendant 10 secondes, et tu vois en télévision t'as très peu de temps pour un, susciter l'intérêt, et si les gens ne comprennent pas pendant de longues secondes où ils sont et ce que tu veux dire, ils sont partis. Mais par contre, planter le décor, oui. Le self-read aussi, ils sont partis. Oui, oui, oui, voilà. Ils sont parfois encore plus fainéants à aller en presse-écrite, et donc voilà, on a parfois un peu plus de... L'esthétique, elle doit être au service de l'histoire, oui, voilà, exactement, du journalisme. Oui. C'est pas pour l'esthétisme. L'image de cet enfant qui crie papa, juché sur un... Eh bien, tu comprends tout de suite la difficulté que cette grève cause pour les familles. Elles ne peuvent plus aller rendre visite. Ça, moi, j'appelle sortir des sentiers battus. Donc, en une image esthétique, tu as le contenu, le fond. Ce n'est pas que la forme. Donc, l'esthétisme, juste pour la forme, moi, je dirais qu'on peut s'en passer. Que c'est peut-être même déconseillé parce que ça distrait un peu le lecteur. Exactement, c'est exactement ça. Par contre, si l'esthétisme est au service de l'histoire, du contenu, alors là, oui. Mais pour moi, effectivement, sortir des sentiers battus, c'est commencer par cet enfant qui crie papa, tu me manques, plutôt que par le plan de la prison, c'est le quatrième jour de grève aujourd'hui. Oui. Alors oui, ça c'est sortir des sentiers battus. Donc ça, oui, oui, oui. D'autres commentaires ou questions? Pas forcément des questions, hein, vous pouvez aussi donner votre avis sur ce qui est dit de part et d'autre ici. Moi, je voudrais tout de même ajouter que pour le reportage écrit, il y a deux aspects aussi. Dans un reportage de terrain, il y a le cœur de cible. Je fais le pacte d'excellence. Ça, c'est mon cœur de cible. Je veux raconter. Là, j'ai trouvé mon angle. J'ai mon cœur de cible. Ça, c'est le cœur du réacteur. Et puis, ce qui nourrit, enrichit et s'agrège à tout ça, et qui va rendre le reportage plus sensible et un petit peu plus impressionniste, et ça rend la demande d'esthétisme à l'écrit, c'est tous les petits à côté, c'est-à-dire la périphérie, qui fait qu'on est toujours dans le sujet et que le sujet, il est en train de se construire et de se resserrer. Et ça, c'est très important. Je vais donner un exemple pratique sur ton sujet à toi du pacte d'excellence de lundi prochain. Si à votre école où vous avez contact avec un prof, un proviseur, quelqu'un, et qui vous disent « Ah mais ce soir on fait une sortie scolaire, on va au théâtre », allez avec eux. Parce que vous parlerez aussi indirectement du pacte d'excellence. Et on vous dira peut-être plus de choses à 21h30 à la sortie du poche où les élèves diront « Bon, je n'aimais pas », le prof dira « Oui, mais bon, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé », et vous obtiendrez quelque chose. Et là, on est dans la périphérie du sujet, mais qui apporte quelque chose. Voilà. Donc moi, je fais toujours un fondu enchaîné entre le cœur de cible, le pacte d'excellence, et tout ce qui peut nourrir la vision du pacte d'excellence. Me suis-je bien fait comprendre? Oui. Oui, pareil en télé, cœur de cible, c'est-à-dire que tout ce dont on a parlé, évidemment, qui était un peu plus spécifique, mais vous allez évidemment pour donner une information, hein, donc sur l'état des prisons, sur la grève, sur les revendications, sur les lendemains, enfin voilà, au terme d'un reportage d'un journal télévisé, évidemment, il ne faut pas être passé à côté du cœur de cible parce qu'on a fait les à côté et que voilà. Oui. Vous parlez souvent, enfin, vous avez compris, le principe de l'éponge du journaliste à part du prof, mais est-ce qu'il y a parfois. Il ne faut pas s'obséder. Oui, ça laisse un marqué, l'éponge. Je suis désolé. Il y a parfois des moments où cette empathie, elle n'est plus possible parce qu'on se retrouve face à. Ah, mais c'est une empathie n'est pas l'éponge. Ah non, rien à voir. Mais il y a quand même, ne serait-ce que par la présence, le fait que. Éponge, c'est capté. C'est savoir, ouais, c'est relevé, c'est recensé, c'est observé, oui, c'est retenu. Oui, c'est avoir des sens. On mais c'est pas se sentir proche ça ou élu par. Ça veut pas dire adhérer à ce que tu entends, à ce que tu. Évidemment, tu as ton avis sur la question. Évidemment, tu. Comme citoyen, tu trouves qu'on devrait plus investir dans l'enseignement ou mieux former les profs, je sais pas, ça c'est ton avis. Mais tu n'es pas là pour donner ton avis, tu es là pour ressentir ce qui se passe dans ces écoles, dans ces salles de profs, et le restituer. Et donc voilà, c'est vraiment la différence entre capter et adhérer ou réagir. Non, on ne te demande pas de réagir ou d'adhérer, on te demande vraiment d'être l'observateur et celui qui restitue ce qui a été observé. Donc ça pose pas de problème. Et évidemment que tu vas ressentir des choses, mais on n'est pas dans un biais d'humeur ici, on ne te demande pas de pondre un éditorial ou un biais d'humeur pour dire ce que tu penses du monde enseignant, non. Il y a vraiment ce côté, c'est pas de la neutralité non plus, parce qu'évidemment, ta faculté à capter certaines choses dépend aussi de ce que tu penses par rapport au sujet. C'est pas gênant. Le lecteur le sait qu'un reportage, immanquablement, a une dimension subjective, puisqu'il est le rendu personnel à travers les yeux du journaliste, son cerveau, son idéologie, ses conceptions philosophiques et autres, une chose qu'il a observée. Mais on lui demande de le faire honnêtement, c'est-à-dire pas en donnant son avis, en disant voilà, je me suis plongé dans tel univers, j'ai capté les choses et je vous les restitue. Après tu peux faire un édito si tu veux, c'est un autre exercice. Donc il y a vraiment un rôle différent entre l'éponge, c'est ce qui capte, c'est pas ce qui interagit forcément. Tu as été une éponge parce que tu as vu ce petit garçon criait après son papa. C'est pour ça que tu as été une éponge, parce que tu l'as remarqué, parce que tu l'as pas vu, pas toujours par téléphone, tu as été prendre le rendez-vous avec le délégué syndical que tu ne savais pas du tout en arrivant. Tu vas aller pour faire ton interview, pour prendre des plans, mais tu as été une éponge parce que tu as entendu ce petit gamin. Et derrière, tu vas avoir peut-être le délégué syndical qui va dire, facile, ça bien sûr, il peut crier, mais nous, à l'intérieur, voilà. Tu vois, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu montres ce gamin qui crie papa que tu es en empathie par rapport à ce gamin qui crie d'après son papa. Derrière, après, il y a toute la problématique de la prison, de la grève, des conditions de détention qui vient justement se dérouler derrière. Tu peux penser au moment où tu vois cette scène, mais c'est scandaleux quand même qu'ils fassent grève et qu'ils empêchent les... Mais la façon dont on te le racontait dans l'article ici, voilà, ne disait pas c'est scandaleux. Je te montre l'image. Et après, comme dit Malika, peut-être qu'il y a un syndicaliste plus loin dans le papier qui donne la raison de la grève et qui, peut-être qu'il y a des éléments qui justifient tout à fait donc, cette action. Et donc voilà, le lecteur qui se fait son opinion. C'est aussi de se dire, cette image aura une puissance telle que on va plutôt retenir le gamin qui crie après son papa que le gardien de prison derrière. Ça c'est l'aspect subjectif dont on a l'air. D'autres commentaires, questions, interpellations? Ou pour ceux qui commencent déjà lundi, vous sentez prêt ou vous avez encore... Non, vas-y, exprime tes craintes. Non, mais c'est une question que j'avais aussi. Est-ce que dans le reportage, il y a un aspect plus chronologique que dans un papier factuel, par exemple? Chronologique, tu veux dire quoi, chronologique? Quand on écrit le déroulement, de quelque chose qu'on a vécu, par exemple. C'est difficile de mettre. C'est pas indispensable. Je sais pas si vous avez vu le week-end passé, il y avait un article que j'avais pensé comme sujet de reportage pour un de mes groupes, mais j'ai oublié ma chance. Sur les nouveaux livreurs de repas Uber et pas Uber Eats et Deliveroo, etc. Et là, la journaliste a fait un reportage et a fait vraiment un reportage chronologique, hein, 18h30, rendez-vous machin brol. Et ça, la soirée se termine donc 18h30, 19h, le matin on arrive, elle raconte tout ça, etc. Et ça se termine à 23h. Et elle n'a pas fait des intertitres, elle a fait des 18h30, 19h15, 19h50, voilà, tac, tac, tac. C'est possible, mais c'est pas, je dirais, c'est une manière de faire, mais c'est pas l'unique. Pour reprendre l'exemple de Lantin, peut-être que la scène du petit garçon juché, c'était en partant que les journalistes ont vu ça. Mais ils la mettent en tête de l'article parce que c'est une scène forte. Donc c'est pas forcément chronologique, c'est pas forcément au moment où ils sont arrivés à la prison qu'ils ont vu ça. Peut-être que c'était en partant ou à un autre moment, ou la deuxième journée. Voilà, la chronologie peut être un fil conducteur, mais pas forcément. Peut-être que dans le corps de la prison... C'est un peu ton choix de journaliste. Oui. Qu'est-ce qui te pense être le plus efficace pour raconter ton histoire? Et là, il n'y a pas une vérité unique. Voilà. C'est un journaliste-là, elle a décidé de faire par une manière chronologique, c'est une manière comme une autre. Mais dans le cas ici de reportage devant les grilles de Lantin, ça n'aurait pas eu de sens. C'était pas la chronologie qui comptait. Je pense que c'est comme l'esthétisme, ça doit servir ton information. Exact. Je veux dire, si tu te dis je vais faire chronologiquement et que de 8h à midi ça n'a servi à rien à toute ton info, quel est l'intérêt de faire chronologiquement, toi? C'est pas quelque chose que tu décides avant. Oui, ça dépend complètement. Oui, voilà. C'est sur le terrain. Justement, sur le terrain, tu t'es dit, oulala, là, là, logique dès le matin, c'est la galère, là. Voilà. J'aurais tendance à ajouter que le ou la chronologie, c'est intéressant si c'est un élément en soi. Ben oui. Oui, c'est ça. Sinon, pas. Et pour le livreur, c'est le cas. C'est le côté, l'épuisement, la multiplication des tâches. Donc là, il y a une logique à utiliser la chronologie. C'est pas toujours le cas. Donc on peut pas, voilà, c'est ni oui ni non en réponse à ta question. C'est parfois oui, comme Malika l'a dit, quand ça sert le sujet, eh bien, il faut peut-être recourir à cette technique-là, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de reportages qui ne sont pas chronologique, on ne sait pas finalement quand se passe la scène qu'est en train de nous raconter le journaliste. Donc on a la chance de lire les reportages. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous, hein, vous sachiez que ce genre finalement est très exigeant en ressources humaines, en temps, et donc c'est un genre qui est devenu minoritaire dans les... à la télé, ils sont obligés d'avoir des images, donc il y a un côté où on est obligé d'aller sur le terrain en presse écrite, de plus en plus d'articles qui sont malheureusement écrits depuis la rédaction. Le journaliste se contente de donner 2-3 coups de fil à des gens qui étaient, dans le meilleur des cas, sur le terrain, eux, mais parfois pas. Et donc, on a vraiment peu de reportages proportionnellement dans les journaux, et de moins en moins, en fait. Parfois aussi, en télé, on est obligé de prendre des images prétextes, hein, vous les avez tous vues, aussi. On préférerait pouvoir rester, si on restait plus longtemps, aussi sur une journée pour faire le pacte d'excellence, ils auraient probablement des images, autre chose que des élèves qui entrent, qui sortent, qui vont dans la cour de récréation, aussi là, pareil, pour une question de temps, qui doivent être un reportage qui va être diffusé aux 13h et commandé à 8h du matin, ben voilà, vous imaginez bien en termes d'image. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on est obligé d'aller sur le terrain. Mais la notion de temps est aussi une bagarre. Alors, n'hésitez pas à nous confronter dans une, vous êtes confronté à une situation difficile, un dilemme, à nous appeler, de contacter. Éric, moi et Bernard sommes pour les travaux, en tout cas, de à votre disposition en cas de doute de votre part ou de problème quelconque. Hein, donc, ne vous sentez pas la seule, il y a toujours moyen de faire appel à l'équipe, comme on dit. Une autre question ou un commentaire? Comment ça se passe quand des acteurs du reportage, après que le reportage soit monté, etc., et qu'à un moment je passe ça dans le reportage pour faire couper les tournages? Non. Un acteur du reportage, non. À partir du moment où ça se passe pas en télé, enfin, tu le sais sur le moment s'ils veulent pas être filmés ou pas. Mais ils n'ont pas. Un droit de regard. Oui, alors tu as un droit de regard, mais a priori, oui, un droit de regard. Alors comment expliquer ça? Dans le cadre du reportage, c'est un peu différent, c'est-à-dire que tu as pris contact avec les gens, tu sais où tu... Alors reprenons ce gamin, alors. Là, peut-être que si tu filmes le gamin avec cette image, ça t'intéresse, alors que c'est pas quelque chose que tu as prévu, tu es sur place et tu vas avec ta caméra, c'est assez visible, hein, mais avec ta caméra pour filmer cet enfant, tu tends ton micro pour avoir le live, si la maman dit « vous filmez pas mon enfant », Tu ne filmes pas, tu vas trouver une autre manière. Peut-être que tu peux prendre un son, peut-être que tu peux planter le contexte différemment, mais donc évidemment, tu ne pourras filmer qu'avec l'accord des gens. Tu es interviewé, tu auras pris rendez-vous, tu auras discuté avec eux, tu sauras qui ils sont, et une fois que tu es sur place, le reportage en tant que tel, logiquement, la caméra n'est pas cachée. Donc c'est un peu différent si on fait alors un reportage de longue haleine, où il y a beaucoup de temps qui se passe entre le moment de la prise de contact, du repérage, de l'accord, du tournage et de la diffusion. Il y a parfois des gens qui changent d'avis en cours de fabrication. Pas seul, en tout cas. Mais de toute façon, on peut leur dire, non, mais pas dans un an, quoi, en fait. C'est pas compris. S'ils veulent conclure quelque chose. Parce que je pense que ça peut arriver, ça, alors, ça arrive parfois en presse quand on écrit un article. Non, a priori, les gens ne viennent pas voir le sujet qu'on monte et ne viennent pas dire, je prends, s'il y a un accord de confiance à la base, il y a une acceptation, il y a un oui, c'est un accord de confiance, ils vous font confiance d'eux, vous allez passer des heures à leur dire, ne vous inquiétez pas, vos propos ne vont pas être déformés, je vous assure que derrière, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, mais en tout cas, vous, ce que vous dites, je peux vous assurer que cet écho sera dans le reportage, dans le sujet. Au-delà de ça, à partir du moment où il y a une espèce d'accord tacite entre vous, sinon ça ne serait plus possible de travailler. Si la personne accepte de te répondre et d'être filmée, a priori, elle a donné son accord à ce que ce soit utilisé par toi dans le reportage. Donc ce n'est pas à elle à dire, hein, vous pouvez utiliser cette phrase-là, mais pas celle-là. Si elle t'a déclaré ce qu'elle t'a déclaré, elle a accepté de jouer les règles du jeu, et donc voilà, c'est libre d'usage. De revenir en arrière après, voilà. C'est surtout le temps, hein, de toute façon, on est confronté à ça, surtout dans le temps, entre temps de tournage et temps de diffusion. Dans le reportage tel que vous avez mis, on ne relit pas les articles de presse avant qu'ils soient diffusés, on ne vient pas voir les sujets en salle de montage avant qu'ils soient diffusés non plus, ça c'est le même principe. D'autres questions? Et sinon, on gère au cas par cas, ça arrive, mais donc on gère au cas par cas avec la personne, on va retrouver la personne, on replace le contexte, on dit rappelez-vous que, je vous ai dit que, éventuellement on peut expliquer les parties qu'on a choisies, vous êtes là, vous êtes plus ou moins ça, j'ai pris cette partie-là, et en général, ça pèse. Mais encore une fois, si on veut pousser la réflexion plus loin, c'est évidemment le contrôle. Oui. ne devriez pas trop rencontrer ce type de problème, ouais. Sachant que vous travaillez ici aussi pour un média qui va être vraiment diffusé de travailler du public. Hein, voilà. C'est ouais. Pas non plus on n'est pas en caméra cachée, on n'est pas en investigation undercover. Voilà. Ça, c'est pour après. Encore un autre genre de sport. Vous laissez un peu d'antique en presse écrite, en principe, je vous l'avais déjà dit, parce que ça se pose parfois. Moi, je n'accepte jamais qu'on relise mes papiers, parce que j'estime qu'il y a un contrat de confiance entre moi et la personne, l'institution, le parti. Mais je dois être honnête avec vous, il m'est parfois arrivé à de très rares exceptions de le faire, et je le fais systématiquement dans deux domaines, qui sont les sciences et techniques et la médecine. Parce que honnêtement, parfois quand je fais des papiers comme ça, je risque aussi d'écrire des normes comme... Pour éviter les erreurs, les risques d'erreurs. Donc pour la personne, je le dis bien, vérifier toutes les notions techniques, et sur l'opinion ou la façon dont je titre ou que je produis, ça c'est mon business. Et en général, ça se passe très bien. Et là, c'est Bernard qui demande, est-ce que vous pourriez vraiment m'aider pour avec les bêtises? Enfin, absolument refusé, c'est les gens qui disent j'aimerais bien que vous me fassiez lire votre contrat de pratique. Comment vous l'oubliez ? Là, il faut dire écoutez, non. Là, il y a contrat de confiance. Vous m'avez dit ce que vous m'avez dit, parce que le risque, ça je l'étudie aussi à mes étudiants, le risque c'est qu'après, en se relisant, ils se disent mon Dieu, j'ai dit ça, c'est... Et systématiquement, voilà, ils vont vouloir changer des choses, ou en biffer, ou modifier, ou remanier, ou édulcorer. Et ajouter en télé l'image. La personne ne sera jamais OK avec l'image. Oui. Jamais satisfaite de l'image qu'on donne d'elle. Voilà. Vous n'êtes pas bien coiffé, c'est pas mon profil. Donc vous ajoutez tout ça à l'histoire et elle rentre aussi jamais. Le principe, c'est on ne fait pas relire. L'exception, c'est voilà, que vous êtes, dans certains cas, voilà, on peut le tolérer. Quoi. Oui, c'est le journaliste qui demande à ce moment-là. Sur le site en disant relisez, parce que je ne voudrais pas écrire de bêtises, c'est scientifique, c'est technique, c'est médical. Mes étudiants le savent, parce que j'ai été honnête avec vous, c'est beaucoup plus le cas du côté flamand. Où c'est considéré comme un peu comme normal. Comme un norme, très reli. Voilà. Il y a pas mal de gens en français et en France, malheureusement. C'est voilà. Qui, voilà. Qui a tort, qui a raison, je pense que le journaliste, il doit exercer ses responsabilités et garder la maîtrise. Voilà. Il y a aussi de plus en plus de tentatives d'incursion et de demandes de convention, etc. pour voilà. D'autres questions ou commentaires ? Ceux qui commencent lundi sont rassurés ? Bien sûr. Vous êtes bien briefé là. Vous avez donné plein d'idées en plus. Voilà, merci à vous et bon travail.